Et pour découvrir la programmation complète, visitez antitube.ca. Depuis 1995, Antitube présente le meilleur du cinéma à Québec. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Bon dimanche soir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. C'est Jean-Pierre Guy qui est avec vous ce soir. Il est tout seul en Gaétan. Je lui ai donné congé. Le réalisateur lui a donné congé car vous comprendrez que ce soir, j'aurai ce petit micro à faire et un autre tout petit micro. Donc, c'était inutile que nous soyons tous les deux ici pour vous présenter une entrevue avec Pascal Brocolicchi, un artiste audio français, mais qui est aussi professeur à l'École d'enseignement supérieur des arts à Nice, en France, et qui accompagnait un groupe d'étudiants l'automne dernier dans le cadre d'un échange avec la Galerie des avec l'École des arts visuels, un échange d'ailleurs qui a eu son deuxième volet au cours des deux dernières semaines à Nice. Alors, on y va tout de suite, avec l'entrevue que j'ai accordée à Pascal à l'automne dernier. Pascal, on va revenir malgré tout sur la question sonore, parce que depuis la dernière fois où on s'est parlé, j'ai eu l'occasion de vous voir travailler avec les étudiants autant de Nice que du Québec, à faire des captations sonores. Habituellement, quand on pense à des captations sonores, on voit quelqu'un avec son appareil et ses écouteurs qui est dans la rue et qui tente de prendre les bruits des autobus, des voitures qui passent et tout. Vous faites ça, oui, mais vous faites aussi et beaucoup de ce que j'appelle, moi, de la captation sonore rapprochée. Vous êtes très, très près des éléments. Vous êtes près d'un mur, par exemple. Je vous ai vu sur le traversier. Oui, bien sûr, vous avez pris le bruit général du traversier et de l'eau, mais vous vous êtes rapproché des parois de métal puis de certains éléments, puis vous avez collé votre micro. Expliquez-moi quelle est votre stratégie là-dedans. Il n'y a pas forcément de stratégie, ça part tout simplement du soin que je mets à l'écoute. C'est vrai qu'avec le micro, on pourrait capter des sons, des bruits, des objets sonores. Mais ce qui m'intéresse davantage dans ce rapport-là au sonore, c'est plutôt les choses qui nous éloignent en fait des sources. Pour être plus précis, lorsqu'on est dans un contexte sonore dans lequel s'additionnent beaucoup de sons différents, mm-hmm. au fond, on aurait une atmosphère. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est de constater à travers l'écoute que tous les éléments, tous les univers qui se croisent les uns dans les autres, en fait, sont interdépendants. C'est pas évident avec un micro d'arriver à capter cette chose-là, mais je dirais qu'avant tout, la dynamique, la motricité spatiale et puis liée à la durée, au temps aussi, c'est ce que j'essaie en fait de capter. Donc l'idée n'est pas nécessairement qu'on puisse reconnaître un bruit, identifier un bruit, dire « Ah, ça c'est le bruit d'une chute », c'est d'aller chercher, c'est de décortiquer en quelque sorte cet ensemble de bruits-là, puis de tenter d'isoler le plus possible des sous-bruits dans le bruit. Ben, je dis pas que j'y parviens toujours, mais en tout cas j'essaie de m'échapper le plus possible de cette emprise-là. Parce que les bruits dissociés de tout le reste m'intéressent peu. C'est pas qu'ils m'intéressent peu, mais disons que dans la démarche constructive de mon travail, ils n'apporteraient pas grand-chose. Donc, pour revenir justement à cet axe qui est l'écoute, et puis c'est la plupart du temps celle qui va m'aider ensuite à déterminer des œuvres, des dispositifs, eh bien, ce que je cherche, c'est ça, c'est à traquer des espèces de passage entre les différents contextes. Mmh. Alors, du coup, enregistrer, ce n'est pas non plus ma principale préoccupation. Il y a beaucoup d'instants, de moments pendant lesquels le micro est ouvert, le magnéto fonctionne et les environnements passent à travers le casque. Mais c'est pas pour autant que j'enregistre. La plupart du temps, ça m'aide véritablement à imaginer le réel à travers ce filtre-là, qui est celui de rapprocher le très très très près possible des trames et des mouvements sonores. C'est une énergie, hein, c'est une énergie vibration, parce que ça se propage toujours de proche en proche pour moi. Et donc, c'est moins, je dirais, les enregistrements qui m'intéressent que à travers cet exercice-là, parce que pour moi, c'est un exercice depuis de très nombreuses années. Quand je dis exercice, c'est vraiment un exercice, une pratique qui m'amène à une écoute constructive. À partir de là, ça m'aide vraiment à... je stocke des sons, je les enregistre, évidemment, j'en stocke certains, mais ça m'aide vraiment à marquer la mémoire, à marquer des choses qui vont ensuite me servir plus loin dans mon travail, à les retrouver. Parlant de mémoire, vous devez avoir des banques phénoménales de sons. Vous travaillez comment? Est-ce que vous les classez, ces sons-là, que vous les identifiez comment? C'est vrai, cette question-là, vous me l'aviez posée l'autre jour quand on était ensemble. On était au bord du Saint-Laurent, je me souviens. Ouais. Et puis, évidemment qu'il faut arriver à se dégager, enfin pour moi, arriver à se dégager le plus vite possible du contexte initial, c'est important, parce que sinon... on en revient encore au piège de collectionner des sons. Et puis, je pense que le parcours ensuite vers une démarche artistique serait déjà beaucoup plus compliqué. Donc, c'est moins une démarche photographique pour moi. Je ne collectionne pas des sons obligatoirement, je collectionne des instants plutôt. Et comme il y a une démarche mémorielle, il me semble que je l'avais expliqué au cours de l'émission précédente, et que surtout, il y a très rapidement, dans ce mode d'écoute que je viens d'expliquer, une part très importante, une place très importante à la fiction, eh bien, sortir du contexte, le déréaliser en quelque sorte, pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Du coup, même le système de classification va dans ce sens. Donc, je ne vais que très rarement évoquer, pour nommer les fichiers sonores, par exemple, quand ils sont rangés dans l'ordinateur, je vais rarement évoquer des noms de bruit ou des situations spatiales ou des lieux dits. Je vais très souvent les marquer dans un temps donné. Donc ça va être le mois, le jour, l'heure. Et puis à partir de là, deux, trois indications pour m'aider à savoir ce qu'il y a à l'intérieur des fichiers, et ça suffit à peu près. Par contre, ce travail de la mémoire, c'est vrai que c'est assez vertigineux, parce que en faisant cette approche-là du vivant sonore, j'arrive parfois à, j'en suis même surpris, j'arrive parfois à me souvenir des années plus tard de certaines situations sonores, mais de manière très, très intuitive, parce que il n'y a pas véritablement de démarche conceptuelle là-dedans, il y a plutôt une approche intuitive de tout ça, et j'y tiens beaucoup, parce que je pense qu'en art, et surtout avec l'art des sons, il faut à un moment donné laisser une grande part de cette improvisation, de cette magie, de cette surprise des sons, parce qu'après tout, c'est ce qui va revenir au spectateur, à l'auditeur, plus que la forme conceptuelle. Et donc ces sons-là, vous les allez les réutiliser par la suite dans vos créations, dans vos installations, par exemple? Alors certains oui, mais pas nécessairement. Et dire lesquels, eh bien, sont ceux qui vont marquer d'une manière perceptible des sujets sonores, des systèmes sonores, et moins des objets sonores ou des corps sonores reconnaissables, identifiables. Parlons par exemple de cette première installation, Espace raisonné, où vous avez des sphères qui sont déposées sur une table et qui sont en quelque sorte des capteurs sonores ambiants. Donc, ce n'est pas des sons que vous avez recueillis, mais qui sont générés dans l'espace même. C'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est que cet espace raisonné? Je pourrais déjà commencer à l'expliquer par le début de son projet, puisqu'en fait, c'est à l'occasion d'une résidence à Marseille, dans un laboratoire du verre. On y fait un travail en collaboration avec des artistes et des designers autour du verre. Voilà. Donc ce sont vraiment des spécialistes du soufflage qui, depuis plus de 20 ans, collaborent avec des artistes. Alors, dans cette démarche de recherche, puisque j'avais 2 ans de recherche qui m'étaient donnés pour pouvoir élaborer un projet, plutôt que d'imaginer une œuvre dès le départ, et de poser déjà les postulats d'un projet, ça m'intéressait moins. Ce qui m'intéressait davantage, c'était de rentrer à l'intérieur de ce qui est le savoir-faire. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui relie beaucoup des intentions dans mon travail. Quand j'entends savoir-faire, je veux dire que je n'ai pas appris à souffler du verre. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est à travers toutes les caractéristiques matériologiques, mais aussi la manière dont le verre se forme lorsqu'on le souffle, mais aussi les limites de cette technique-là. Tous ces paramètres-là m'intéressaient pour savoir comment on pouvait les extrapoler et s'en servir dans le domaine du sonore. Alors, ça se matérialise comment ? Eh bien, pendant 2 ans, on a fait le travail suivant. On a réalisé un nombre assez conséquent d'objets, hein, plus d'une centaine. Ces objets-là sont des objets qui tous servent à transformer la propagation d'une onde sonore lorsqu'il passe à travers. Imaginons par exemple l'objet le plus usuel, une trompe, voilà, ou bien un tube. Mm-hmm. La différence de diamètre, sa longueur, mm-hmm. la dureté du matériau, le verre, voilà, ouais. Tout ça va petit à petit modifier mm-hmm. la propagation d'une onde qui passe à travers, et du coup modifier considérablement la perception qu'on peut en avoir. Oui. Donc, à l'issue de cette collection, de cet inventaire d'objets qui sont des outils, hein, mm-hmm. quand on a une centaine, on peut dire que c'est véritablement un appareillage, mm-hmm. plus que des sculptures, que des instruments. Mm-hmm. C'est un appareillage. À partir de là, tout mon travail était de les utiliser dans des grandes sphères, qui font à peu près 80 cm de diamètre chacune. Ces sphères, ce sont comme des grands résonateurs, des conques. Et en les disposant, les empilant les uns dans les autres de manière assez pragmatique, je dirais, il n'y a pas quelque chose de savant derrière tout ça, mais quelque chose de pragmatique, eh bien, ce qui m'intéressait, c'était un peu comme une alchimie de composer des espaces d'écoute. Okay. Voilà, alors il y a des instruments qui servent à produire des sons. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un instrumentarium qui sert à construire une écoute. À capter exactement le son de l'espace dans lequel mm-hmm. il se trouve, puisque une fois que le travail a été fini, au terme de ces 2 années de recherche, on a obtenu 3 tables. Qui sont un peu comme des tables de laboratoire, des tables de travail, sur lesquelles, sur chacune d'entre elles, je vais disposer 2 sphères. C'est très important parce que c'est ce qui va créer l'écoute binaurale. Une sorte d'écoute. À partir de ces 2 sphères, à chaque fois que je montre ces installations, eh bien, je change la configuration des objets à l'intérieur en fonction de l'espace d'écoute, justement. Et donc, tout le son ambiant, ce qu'on appelle la fréquence de résonance mm-hmm. du lieu, rentre à l'intérieur comme aspiré de ces éléments. Par le... Voilà. Et au bas de ces dispositifs se trouvent des petits capteurs sensibles qui viennent récupérer l'onde transformée à travers les objets. Et donc, il y a une sorte de principe auto-génératif de l'œuvre, d'accord ? Et puis, lorsqu'on est dans l'espace, très rapidement, on prend conscience que c'est l'espace qui s'amplifie à lui-même, qui se crée à travers sa propre énergie. Mmh. Ben, on pourrait peut-être écouter un extrait de cette installation espace raisonné. Alors, on écoute. années. Passons maintenant à une autre installation plus monumentale, si je peux dire, qui s'appelle Doppler. Qu'est-ce que c'est que cette installation de Doppler? Doppler, à l'origine, c'est l'idée d'une sensation, pratiquement une émotion. On peut imaginer ce que procurerait à un moment donné à des spectateurs un spectacle de derviche. Mm-hmm. Qui rentre progressivement dans une transe, il y a une espèce comme ça d'énergie mm-hmm. qui s'enroule sur elle-même, une sorte de crescendo, dans cette espèce d'hypnotisme mm-hmm. des personnages dans l'espace. À un moment donné, une sorte de lien qui s'établit avec les spectateurs. Ça m'intéressait beaucoup, d'autant plus que l'habillement des derviches tourneurs, ces grandes robes blanches, mm-hmm. Lorsqu'ils atteignent une certaine vitesse de rotation, eh bien, ces robes s'écartent progressivement et forment une espèce de cône mm-hmm. Qui vraiment contribue à cet effet hypnotique très très fort. Donc, c'est vrai que ça ne fait pas non plus le départ d'un projet artistique, au cours d'un projet qui m'était proposé à la chapelle de Thouars, c'est une chapelle du 19e siècle, j'avais gardé en mémoire cette idée justement à un moment donné d'une vrille sonore, quelque chose qui enroule l'espace sur lui-même. Et je tenais absolument depuis longtemps à poursuivre ce travail que j'avais commencé. Et c'est en découvrant quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je viens d'évoquer des derviches tourneurs, alors quelque chose de beaucoup plus pragmatique, que j'ai réussi à faire le lien entre cette envie que j'avais de produire des vrilles sonores et aussi la possibilité d'en faire une installation, un dispositif. Mmh. Et c'est tout simplement en découvrant un appareil qu'avait inventé Blaise Pascal, qui s'appelle la Pascaline, tout simplement, et qui est la première machine à calculer, mécanique, qui n'est pas un boulier. C'est-à-dire que c'est une machine avec des rouages crantés, mm-hmm. qui permettent de faire les calculs entre les unités, les dizaines, les centaines. Et c'est un principe équationnel, c'est-à-dire que en fonction du nombre de dents qu'il y a à chaque roue, les horlogers connaissent très très bien ce principe. Ben oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un système d'horlogerie. Voilà, on peut calculer le temps, et bien là, on a des calculs arithmétiques possibles. Et moi, ce qui m'intéressait à partir de ça, c'était d'extrapoler ce principe-là en faisant des calculs d'espace sonore. Donc, j'ai imaginé de façon beaucoup moins élaborée que la Pascaline de Pascal, des trois modules. Qui sont suspendus dans l'espace. Ces modules sont positionnés sous un mât, mm-hmm. une sorte de tige, un pivot, qui est actionné par un moteur. Alors, cet axe, il va permettre de mettre en mouvement de rotation des bras. Donc chaque module, il faut imaginer que c'est comme une fourche, mm-hmm. À l'extrémité de laquelle il y a un micro, le premier des bras, et à l'autre bout, un haut-parleur pour le deuxième bras. La distance qui sépare les deux est d'à peu près 4 mètres. Mmh. Donc, lorsqu'on a trois dispositifs de la sorte identiques qui sont alignés les uns les autres et qui sont mis en rotation, eh bien, on va pouvoir jouer avec les espaces de captation et simultanément avec les espaces de diffusion. Parce que j'avais fait en sorte que chaque module, on puisse jouer avec sa vitesse de rotation. Donc, créer une espèce d'engrenage sonore. Exactement ça. Et l'objectif pour moi était d'arriver de manière presque aléatoire à un moment donné à ce que l'on puisse se trouver dans la situation sonore très particulière qui est celle que tous les bras sont alignés les uns mm-hmm. à la suite des autres. C'est-à-dire que là on a une réaction en chaîne, puisque un micro va capter un espace qui va le restituer à l'autre bout de l'enceinte, mais à l'autre bout de l'enceinte, il y a à proximité le micro du deuxième module, etc., etc. Et à ce moment-là, on a un phénomène Doppler, d'où le nom éponyme de l'œuvre, Doppler, tout simplement, puisque l'espace se retrouve... Qu'est-ce que c'est que le phénomène Doppler ? Le phénomène Doppler, pour le décrire très vite, c'est, on connaît tous ça lorsqu'un véhicule passe dans la rue et qu'on est statique, qu'on ne bouge pas. Imaginons qu'on est sur le trottoir, la voiture passe à une certaine vitesse et elle se met à klaxonner. On va entendre au moment où elle passe devant nous un étirement du son. Il va y avoir cette espèce d'effet élastique du son qui va revenir ensuite à son état d'origine. C'est un phénomène de relativité, puisqu'en fait, le son est en mouvement. Le son qui se propage est à 340 mètres secondes à peu près. Pour nos chers auditeurs, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, si le véhicule se déplace au moment où le son se propage, eh bien, il va y avoir un phénomène comme ça d'étirement du son. C'est un étirement relatif, je dis bien, parce que c'est pour l'auditeur qui est sur le trottoir. Pour l'usager de la voiture, le son de la voiture lorsqu'il klaxonne ne change absolument pas. Il n'a pas changé. Oui. Donc, un phénomène d'appel. Donc, cette installation-là, vous l'avez faite, vous l'avez réalisée une fois? Je l'avais réalisée une fois, donc, comme je le précisais, à la chapelle de Thouars. Et puis, l'idée, c'était véritablement de jouer avec ça à partir de ce moment-là, à partir de ce stade de l'œuvre qui est à son stade fini. C'était de jouer avec les espaces. Donc, c'est vrai que j'en ai pas eu l'occasion jusqu'à présent, mais cette œuvre, il est possible de moduler complètement avec les espaces. Il n'est pas nécessaire de retrouver les trois modules dans un même espace. Ils peuvent très bien occuper des salles adjacentes, des salles voisines les unes des autres, et jouer comme ça avec les trajectoires. Il peut très bien ne pas y en avoir trois, mais il peut y en avoir deux. Et puis, je joue comme ça avec ces combinaisons-là. Donc, il n'était pas nécessairement adapté au fait que ce soit une église avec ses voûtes et... Absolument pas. Tout ça pourrait être dans un espace quadrilatère, tout à fait, normal. Tout à fait. OK. C'était l'occasion qui présentait ce projet-là, puisque de toute façon, c'était un projet qui était produit par le Centre d'art. Il se trouve que le Centre d'art, la Chapelle de Thouars, est très particulier, puisqu'en France, il y a peu d'endroits qui sont des endroits religieux, des églises ou des chapelles, dans lesquelles on retrouve un centre d'art. On y voit assez souvent des expositions. Dernièrement, je faisais une exposition à l'abbaye de Montmajour à Arles. Mais par contre, un centre d'art dédié à cet espace, c'est assez rare quand même. Donc, c'était Doppler. Est-ce qu'on a une bande sonore de ça? On peut écouter un... Évidemment, c'est comme l'autre œuvre, le son, il n'est pas créé par vos banques de son, mais c'est le son qui est produit, qui est généré par l'espace dans lequel ce Doppler il est installé. Alors, on l'écoute. Va ne fin. CKRL. Spécial Arts visuels. Le magazine culturel Bazar s'intéresse au monde des collectionneurs. Dans son tout nouveau numéro, allez vous aussi à la rencontre du marché de l'art actuel à Québec. Bazar, c'est la vitrine sur les arts et la culture, disponible gratuitement dans plus de 250 commerces et organismes culturels d'ici. Pour info, bazar.qc.ca. Rencontrez deux fois plutôt qu'une le documentariste Hugo Latulippe. Il sera de passage à Québec pour offrir une classe de maître le 23 mars à 14h au Cercle. Présenté en collaboration avec Première Ovation. Le 24 mars à 19h, dans le cadre du Ciné-Club Spirafilm, voyez « Ce qu'il reste de nous », le documentaire coup de poing sur la situation des Tibétains. Hugo Latulippe sera sur place pour discuter avec le public après la projection. À la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou, le 24 mars à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le Service d'animation socioculturelle du Cégep Limoilou, le MCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, le Bal du Lézard, chez Fratelli et CKRL. Plus de détails, spirafilm.com. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Alors, deuxième demi-heure de l'accroche-oreille, toujours Jean-Pierre Gay avec vous ce soir. Et tout de suite vous dire que pour le début de l'émission où j'ai manipulé avec un nouveau logiciel, puis je cherchais mon volume, alors je l'ai trouvé. C'est sûr que la version officielle sur le site de CKRL sera peut-être pas la meilleure, mais celle qui va être remplacée sur le site de l'accroche-oreille.wordpress.com, ben c'est sur ce site-là nous allons corriger l'entrée de l'émission. Alors, on poursuit donc cet entretien avec Pascal Brocolicchi, artiste en art audio de Nice et qui accompagnait le groupe d'étudiants tant de Nice que de Québec dans leur projet d'échange. Alors, on poursuit avec lui. Là, on a été plus rapide. Oui, on a été plus rapide. On s'en va sur table d'harmonie, là. Alors, c'était Doppler. Autre projet, Pascal, table d'harmonie. Et là, on est face à des immenses tas de sable noir. Qu'est-ce que c'est? Ben, pour décrire table d'harmonie, c'est un geste. Vraiment, c'est un geste que j'ai commencé en 1998 et que j'ai fait évoluer tant sur le plan sonore que sur le plan de l'œuvre visible que je vais décrire. Je l'ai fait évoluer au fil des années. Et c'est vrai que dans mon travail, c'est nécessaire qu'il y ait des œuvres qui se réactualisent, qui se réactivent en permanence, et d'autres qui sont plutôt des appareillages, comme je décrivais tout à l'heure pour le Doppler par exemple, pour espace raisonné. Donc c'est vrai que la table d'harmonie, ça propose une autre posture pour moi, c'est une autre façon d'imaginer l'exposition sonore, l'exposition d'une œuvre dans l'espace. Alors qu'est-ce que c'est? Quand je dis que c'est un geste, c'est vraiment ça, puisque en fonction du lieu qui m'est offert pour exposer l'œuvre, c'est-à-dire la surface qui est au sol, j'utilise cette surface-là pour déployer un dessin. Alors le terme déployer est bien approprié, puisque il y a autant de tas de sable qu'il y a de sacs. Ce sont des sacs de mica. C'est un grain abrasif très très noir, très brillant. C'est très important. La texture est très importante parce qu'elle va être en lien vraiment avec le son. Parce qu'on va voir dans la description de cette œuvre que ces tas de sable qui sont au sol, ce sont aussi bien des dessins, ce qu'on appelle des sound drawings. D'ailleurs, quand ils sont liés au son, on a l'impression de paysages comme ça, très étendus, avec des cratères. C'est aussi un travail de grille, de structure dans l'espace, puisque je prends ces sacs un par un, je les verse sur le sol en quinconce. Donc ça forme un cône parfaitement régulier, puisque la quantité de sable est toujours la même. À partir de là, j'ai disposé à l'intérieur de ces tas de sable à des endroits très précis, et ça dépend toujours de la configuration spatiale, de son acoustique. Je dispose à des endroits très précis des haut-parleurs. Ensuite, je viens tout simplement avec un aspirateur, depuis le sommet du tas de sable, aspirer jusqu'à toucher le sol ou jusqu'à toucher le haut-parleur, et ça forme un cratère. Ça forme aussi un réceptacle, une sorte de d'enceinte pour pouvoir diffuser les sons. Alors, qu'est-ce qu'on y entend ? Puisque je disais que c'est une œuvre évolutive, pratiquement à chaque exposition, ce qui m'intéresse, c'est de présenter une version nouvelle de l'œuvre. Et à l'intérieur de ça, j'ai tout le loisir, en fait, d'utiliser des sons qui sont parfois très, très, très éloignés de ce qu'on est en train de regarder. Et ça m'intéresse beaucoup de faire se croiser comme donc, ça. Donc, il y a un grand décalage entre ce qu'on voit et le type de son qu'on entend. Et souvent, j'utilise le contexte, l'environnement dans lequel je me trouve. Alors, par exemple, pour la précédente exposition qui se trouvait en Belgique, à Courtrai, au cours du Festival de Flandre, à proximité du centre d'art où j'exposais cette œuvre, il y avait des canaux où passaient des péniches. Et pendant toute la durée de montage de l'exposition, j'y ai plongé des hydrophones pour pouvoir enregistrer, capter l'écoulement, le flux de l'eau et aussi de tout le trafic des bateliers, puisqu'il y a des écluses qui n'étaient pas très loin. Et à partir de là, en disposant simplement ces sons hydrophoniques dans cette installation sonore-là, l'écart dont je parlais à l'instant est tellement important que ça produit un effet de confusion, parfois même un effet d'abstraction. Et ça m'intéresse beaucoup. Ben oui, parce que si on entend de l'eau et on voit du sable, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre tête. On a l'impression d'entendre un flux aquatique et on est face à une masse qui est sèche. Et parfois qui fonctionne plutôt bien ou trop bien, puisque souvent les spectateurs qui tournent autour de cette œuvre, puisque c'est un tapis de sable, les spectateurs qui tournent autour de cette œuvre pour l'écouter en des points différents, puisque là ce qui m'intéresse c'est la multidiffusion, ça peut aller jusqu'à 16 ou 20 points de diffusion. Ce qui m'intéresse là c'est que le grain du sable et puis l'aspect brillant des cristaux, souvent, lorsque certains sons apparaissent, on va avoir l'impression que les sons font évoluer l'état de sable, les font s'effondrer sur eux-mêmes. Ce qui est faux. C'est totalement stable, puisque c'est un sable qui est très dense, qui ne bouge pas. Et par contre, c'est toute cette brillance-là qui donne l'impression qu'il y a une relative fragilité de l'œuvre qui s'effondre sur elle-même. Vous disiez tout à l'heure que le sable, que ce mica-là avait une certaine importance au plan acoustique. Alors, il en a une, mais je dirais que c'est une importance visuelle et psycho-acoustique, puisque on aurait presque la sensation que c'est de la mousse, que c'est de la mousse noire quand on voit ça, un peu comme de la mousse à picot qu'on peut trouver dans les studios d'enregistrement pour casser les effets de brillance et les effets de réverbération. Et c'est l'inverse, puisque ce sont des cristaux très abrasifs. Il n'y a pas d'effet d'absorption du son et d'étouffement du son. Bien au contraire, le son est parfaitement rayonnant dans l'espace. Donc, c'est ce que vous appelez un effet psycho-acoustique. Ben oui, tout à fait. Une interprétation à décalage. Ben, on a un extrait sonore de ces tables d'harmonie. Alors, on va l'écouter. cette étape d'harmonie, on va s'en aller vers la fin de l'émission avec une installation assez monumentale qui s'appelle Dial au Map, qui a été réalisée en 2005. C'est assez. Quand je dis monumental, c'est vraiment une installation majeure et qui a pris beaucoup de votre temps aussi. Dial au Map, c'était plus qu'une installation, c'était une véritable entreprise qui s'est déroulée sur plusieurs années. Elle a vu le jour en 2005, mais elle a nécessité à peu près 3 ans de préparation. Et le lieu qui allait accueillir cette œuvre, c'est le CAPC à Bordeaux. Alors le CAPC, c'est un gigantesque entrepôt qui servait à stocker des denrées coloniales au XIXe siècle. Mmh. Et cet entrepôt est constitué de voûtes, une succession de voûtes très hautes, qui sont à près de 20 mètres de haut, et une succession de piliers aussi dans la nef. On appelle ça d'ailleurs la Grande Nef. Mmh. Elle est réputée pour son nom. Alors, quand Maurice Fréchuret, le directeur et commissaire de l'époque, m'avait proposé de réfléchir à un projet, je lui avais dit qu'il serait peut-être intéressant de fermer cette nef au public. La fermer au public, je n'avais pas l'intention de fermer les portes, mais par contre, de plus ou moins contraindre... Restreindre l'accès. Contraindre le parcours du spectateur qui était le parcours habituel d'évoluer à l'intérieur de cette nef. Alors, qu'est-ce qu'on y voit en fait ? Il faut imaginer une sorte d'architecture blanche. C'est ce qu'on appelle des abat-sons, c'est-à-dire ce sont des grands panneaux acoustiques qui On dirait presque une patinoire, une immense patinoire. Oui, nous, les Québécois, on va bien voir. Ça peut être ça, oui. Oui. En tout cas, ces grands panneaux acoustiques, alors pour donner une échelle à tout ça, il faisait une longueur d'à peu près 43 mètres, une largeur de 22 mètres. Mmh. Et une hauteur de 4 mètres. Ils étaient orientés en oblique pour pouvoir justement jouer avec toute l'acoustique de l'espace. Au centre de ces abat-sons, il y avait des grands réflecteurs concaves. Il y en avait 6. Et en face de ces réflecteurs concaves, il y avait une succession de haut-parleurs, 15 sources de diffusion au total, avec lesquelles j'allais jouer de ces diffusions. Alors, tout le travail préparatoire a été fait de manière très précise. C'est-à-dire que pendant 3 ans, je suis venu régulièrement dans les entrepôts l'aîné, à des périodes différentes, pour pouvoir constituer une espèce de cartographie, une espèce d'inventaire de toutes les sources sonores et surtout de toutes les fréquences possibles imaginables de ce lieu. Aussi bien avec des capteurs sismiques, avec des paraboles, avec des antennes réceptrices d'ondes électromagnétiques, avec des micros. J'ai cherché vraiment à constituer l'inventaire le plus large de ce qui était cet entrepôt. Donc, on revient un peu à ce qu'on disait en début d'émission, lorsque vous allez dans tous les raccoins, je dirais, de ce lieu pour aller chercher toutes les sonorités qui peuvent y exister. C'est exactement ça. L'idée ensuite était de réfléchir à une architecture qui pourrait servir la diffusion de ces sons. Alors, elle est venue à la suite de recherche, de calcul, puisque pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé comme concepteur dans un cabinet d'architecte. Mmh. Et je dirais que la forme m'intéressait peu, mais par contre, elle devait être absolument utile à servir, comme je disais, à diffuser les sons d'une manière très précise. La forme de cette architecture, puisque là on peut parler véritablement d'architecture, était véritablement conçue pour servir la propagation des ondes sonores. Alors quand je parle d'architecture, c'est parce qu'aussi, il y a quelques années auparavant, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans un bureau d'études. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'était pratiquement une installation gigogne, c'est-à-dire une architecture emboîtée dans une architecture, puisque lorsqu'on levait les yeux et qu'on regardait le plafond de la nef, il était oblique, incliné à 25 degrés. D'où le titre de cette œuvre, Dialoma 25 degrés, puisque si on regarde les abat-sons que je viens de décrire, ils sont eux aussi inclinés à 25 degrés. Et donc on avait cette espèce de mise en abîme, d'effet miroir entre l'architecture de la nef et toute la distribution des sons. Ensuite, eh bien, tous les sons qui ont été diffusés pendant la durée de l'exposition, c'est-à-dire pendant 5 mois, sont des sons du lieu sur lui-même. Sauf qu'à l'inverse de Doppler, où c'est une œuvre auto-générative, il n'y a pas d'enregistrement, ce sont des micros qui captent simultanément, voilà, en direct les sons. Là, ici, c'était des sons qui étaient entièrement des phonographies du lieu. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette démarche monumentale, c'est qu'à un moment donné, le spectateur qui ne pouvait pas accéder à ce dispositif, en montant dans les coursives du premier étage qui ceinturent toute la nef, et donc en vue plongeante, pouvait tourner autour de l'œuvre et l'écouter dans sa totalité. Et ensuite, un autre paramètre qui m'intéressait beaucoup et qui m'intéresse encore beaucoup dans mes nouveaux projets, c'est lorsque le son enregistré d'un lieu vient se caler comme une parfaite occurrence dans ce lieu-là, eh bien, on a presque l'impression que c'est du silence, puisqu'en fait, on a l'impression d'écouter le lieu sur les murs. Sauf que c'est un temps qui n'est pas le vrai, c'est un temps qui est passé, qui est déjà très lointain. Il y a un décalage. Et ce rapport de fiction m'intéresse beaucoup, je dirais, puisque là, cette fiction-là, c'est pratiquement pour moi, je vais un peu employer un mot tiré par les cheveux, mais c'est pratiquement un cinéma pour l'oreille. Même si le cinéma pour l'oreille, c'est une discipline qui est différente. Oui, mais c'est vrai que c'est du cinéma pour l'oreille aussi. Parce que même au plan visuel aussi, cette œuvre-là, elle est quasiment cinématographique. On a l'impression d'être dans une salle de cinéma et où se déploient, s'étendent des sons qui sont un peu partout. Donc, il y a quelque chose qui le son est spatialisé aussi là-dedans. Je pourrais rajouter pour cette œuvre qu'elle a un lien particulier avec Espace Raisonné. J'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Pour Espace Raisonné, c'est ces dispositifs avec des éléments de verre. C'est que là, la lumière joue un rôle très important dans l'œuvre, puisqu'on avait constitué une couronne de projecteurs à 20 mètres au sommet de la nef. Et ces projecteurs venaient... les faisceaux de lumière venaient taper sur les abat-sons. Et comme les abat-sons étaient blancs, ils étaient comme des butterflies qui rayonnaient complètement la lumière. Et l'idée était aussi, à un moment donné, de changer complètement le poids, la présence massive de cette structure qui faisait à peu près 50 tonnes, et surtout de lui donner un maximum de légèreté. De légèreté, ouais. Et... pour Espace Raisonné, c'est pareil. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais à l'intérieur des tables, il y a des petits dispositifs de lumière qui viennent iriser les éléments de verre. Et les jeux de réfraction dans le verre, là encore, pour moi, ce sont pratiquement des exercices de dessin, comme les sand drawings que j'utilise dans mon table d'harmonie. L'architecte en vous qui est soucieux d'avoir un dessin de qualité. Ben Pascal Brocolicchi, ça a été une belle découverte pour nous ici à Québec de vous recevoir. J'espère pour les auditeurs aussi. Merci d'être passé chez nous. Merci. Alors, c'était la fin de l'entretien avec Pascal Brokolicki. Si vous avez le goût d'aller voir toutes ces installations, les installations, comme je vous le dis, qui sont assez impressionnantes, notamment les deux dernières, qui sont monumentales, comme je le qualifiais dans l'entrevue, ben, Pascal a un site internet, pascalbrokolicki.com. D'ailleurs, vous pourrez retrouver son nom tel qu'il s'écrit, là, Brokolicki, sur le site internet de CKRL et tout comme sur le site internet de La Croche-Oreille, qui est lacrocheoreille.webpress.com, où d'ailleurs nous vous présenterons l'intégrale de l'entrevue de Pascal telle que corrigée. Si jamais vous voulez nous écrire, comme certains l'ont fait déjà il y a quelques semaines et même la semaine dernière, ben vous faites tout simplement crocheoreille@gmail.com. Il me reste quelques minutes pour vous parler du Radioton qui s'en vient le 4, 5 et 6 avril. Il est toujours déjà le temps, non pas toujours, mais il est déjà le temps de pouvoir commencer à faire vos dons qui vont commencer tranquillement à monter cette cagnotte. Je ne connais pas l'objectif visé, mais c'est certainement pas moins que l'an passé. Donc, vous avez probablement reçu d'ailleurs une lettre à cet égard, donc ne vous gênez pas pour faire un premier don. Vous savez, le type d'émission que vous écoutez ici, tout comme celle qui précédait et comme la plupart des émissions de CKRL, ne pourrait exister ailleurs dans des radios privées ou voire même dans les radios publiques. La radio publique a même mis fin à ce type d'émission qu'animait notamment Hélène Prévost il y a quelques années. Alors, si vous avez un petit 10 minutes, vous faites un chèque à CKRL et ça va être déjà une avance pour le Radioton. C'était Jean-Pierre Gay avec vous et on vous dit à la semaine prochaine. On aura probablement la suite de l'entrevue avec Pascal. Bye-bye. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. 00764. Le Radioton de CKRL arrive à grands pas et cette grande rencontre radiophonique sera présentée par la Barberie, la boîte à pain Café Napoli et le bal du lézard. You're looking great. Ne manquez pas cet événement les 4, 5 et 6 avril. The world waited. Curious. Wondering. Aware. Faites un don pré-Radioton de 20$ et plus ou achetez dès maintenant votre carte de membre de CKRL au coût de 25$ avant le vendredi 4 avril 17h et vous pourriez gagner le prix pré-Radioton ou le prix membership d'une valeur de 150$. Adhérez ou faites un don en téléphonant au 88-640-2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca ou bien venez au 405 3e avenue à Limoilou. Encouragez votre radio préférée. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Venez nous rencontrer tous les jours de 11h à 17h. Écoauthentique, 160 rue Saint-Paul, écoauthentique.com. Les mercredis à minuit, CKRL vous propose les mixtapes. Une sélection musicale dont vous êtes le héros. Pour entendre vos choix musicaux sur nos ondes, faites-nous parvenir votre fichier audio et la liste de vos chansons. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section « Programmation » et cliquez sur la page « Mixtape » pour plus de détails. C'est maintenant à vous de jouer.